Si je reste au volant, je peux attendre la sortie de l'école sur cet emplacement. Oui, réponse A. Non, réponse B.